que le sol se souvienne de ton nom. Frappe, frappe, frappe encore, frappe, jusqu'à ce que le sol se souvienne de ton nom. Le silence est fini. Les ordres sont donnés. Les torches s'éteignent. Et les lames se lèvent. Tu cries bien, bien. Crie plus fort que ton cri coupe le vent. Que ton pas brise la roche. Chaque coup porte un nom. Chaque souffle est un signal. Chaque cri est une frappe. Redesque est devant. Redesque frappe le poing. Le sable se teinte et le sang se mêle au serment. C'est pas une bataille, c'est une offrande. Un sacrifice sacré, une violence sacrée. Une mémoire tatouée dans les os. Tu sens ta gorge, hurle. Tu sens ton cœur, frappe. Tu sens ta peur, rase-la avec ton talon. Raiders qu'elle avance, nous suivons. Raiders qu'elle hurle, nous répondons. Raiders qu'elle détruit, nous chantons en frappant. Pas le temps de réfléchir, pas le droit de douter. Pas la place pour les faibles. Ici c'est l'assaut. Ici c'est le cri. Ici c'est la fin de leur monde. Tu veux survivre? Frappe d'abord. Parle ensuite. Ou pas du tout. Raiders qu'il n'a pas besoin de discours. Il a des pas, des cris, des chants de guerre et des poings comme marteau. Frappe, frappe, frappe. Jusqu'au silence, tu entends le sable crier. Ce n'est pas un mirage, c'est nous. C'est maintenant, les torches brûlent, les portes tombent, les boucliers fondent et nous. On chante plus fort que chaque frémin est un verre qui perce la roche, qui brise le métal, qui creuse la défaite. Raiders qu'el, cité par les cris, porté par les pas, répété par les phrases. Un coup, un nom, un cri, une promesse, un choc, une fin. Une guerre frappe jusqu'au dernier, frappe jusqu'à l'écho, frappe jusqu'à ce que le sable dise c'est assez, mais pas.